c'est dans un des moins. Et t'as l'ouvé, l'ouvé moins. Où t'es si belle, ou dis-moi, mais les moins. Dans le ciel.